Parler comme la musique. Bonsoir. Ce soir, le sujet, c'est l'inexpliqué expliqué. Alors, il y a une chirurgie plastique. Puis Charles a changé de visage. C'est ça qui est arrivé. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'inexpliqué si c'est inexpliqué? Ben, c'est facile vu que c'est inexpliqué. Il reste rien qu'à l'expliquer. De quelle façon? En parlant. Peux-tu expliquer avant qu'on fasse un tour de tous les sujets inexpliqués sur, qui se sont manifestés sur la planète? On en partie, du moins. Comment est-ce que par la parole, on peut expliquer des choses sans les avoir lues? Ben, celui qui les écrit, il ne les a pas lues avant non plus. Alors, s'il est capable d'écrire, on est capable de parler. Alors, explique comment est-ce qu'on fait pour écrire. On prend un ordinateur. Il y en a qui écrivaient bien avant les ordinateurs. Mm-hmm. C'est pour ça que je ne suis pas venu au monde à cette époque-là. Hein. OK. Oui? Il y avait trop d'informations à véhiculer. Qu'est-ce que l'inexpliqué? Ce qui n'est pas compris. Ah non, c'est, je suggère une question. Il répond, là. Franchement. Et c'est bien que certains séminaristes veulent m'interviewer, mais de là à ce qu'ils répondent à ma place, quand même. Surtout la première fois. Bon. Ce soir, on va faire un tour d'horizon de différentes manifestations qui n'ont pas été expliquées ou qui ont été expliquées, mais avec 56 explications différentes. On va voir ce que M. Daniel Kemp... Que la 57e peut faire. C'est ça. De quelle façon ça va être expliqué ce soir. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui ont fini par devenir des légendes, mais qui ont été des manifestations réelles, comme par exemple les vampires, les loups-garous. Peux-tu confirmer que ce fut des phénomènes qui ont déjà été vécus sur Terre? Bon, évidemment, loup-garou, vampire et ce genre de choses, ce sont des mécaniques qui, dans notre époque actuellement, on n'en rencontre pas trop. Il y a eu des territoires sur la planète, en l'occurrence la Transylvanie, qui sont réputés pour leur légende ou leur traditionnel vampire et loup-garou, avec un accent très particulier. Il y a différents phénomènes. Premièrement, dans l'historicité planétaire, dans l'histoire de la planète, il y a eu des expériences qui ont été vécues par l'humain, et il y a beaucoup d'expériences aussi qui ont été vécues similairement dans des mondes parallèles, totalement reliés, qui se baignaient au monde planétaire. Parce que l'énergie de la planète s'est refroidie, nécessairement se densifiant, on perd graduellement contact avec des mondes qui ne se densifient pas aussi vite, ou qui sont en train de se subtiliser. De ce fait, dans l'Antiquité, dans le passé, on aura accès à des légendes extrêmement intéressantes qui, aujourd'hui, restent légendaires, mais qui, hélas, ont des attaches planétaires. Quand Homer va parler de l'Iliade, de l'Odyssée, il parle de la ville de Troie, il parle de tellement de divinités qu'Ulysse va rencontrer en s'en allant, et on sait très bien que les cyclopes, ça n'existe pas. On sait aussi que toute l'histoire d'Ulysse, c'est une histoire fictive. Puis à un moment donné, il y a un bonhomme qui s'appelle Schliemann qui va se promener avec l'Iliade et l'Odyssée sous les bras et qui va découvrir la ville de Troie. Découvrant la ville de Troie, on se pose la question, est-ce que l'île d'Ithaque existe? Est-ce que Ulysse a existé? Est-ce que les Cyclopes existaient? Maintenant, traditionnellement, on a des personnes qui vont parler de l'Atlantide et qui vont parler de géants rouges, les Ramahal, qui sont des êtres assez grotesques, qui ont soit un œil dans le front, ou soit trois yeux, donc deux yeux et un troisième œil. Et la description qu'on va en faire, on peut se rendre compte que sur l'île de Pâques, on a des statues qui ressemblent plus ou moins à ça et qui sont toutes braquées dans une direction particulière. On va découvrir, à un moment donné, en Angleterre, qu'il y a une table en bois qui s'appelle la table ronde. On sait qu'on a même des traces que Perceval aurait existé. on a des traces que le Sir Lancelot a existé. Mais on sait qu'Arthur est légendaire. Mais les chevaliers de la Table Ronde ont été mis sur pied par Arthur. L'Angleterre parle d'Excalibur, on parle aussi du Graal. Le Graal qui serait un vase, bon, dans lequel on a recueilli le sang du Christ. Et le Christ a-t-il existé? Longinus, qui est un soldat romain qui... Pas Longinus, mais... Longinus, qui est un soldat romain qui va venir, il va ouvrir la côte du Nazaréen, puis quelqu'un va ramasser du sang. Et tout au long de l'histoire planétaire, on se rend compte qu'il y a énormément de légendes qui ont des attaches matérielles. Si on parle des loups-garous et des vampires, il y a eu un temps que plus ça allait, hein, plus ça vampirait, bon, les problèmes. On a des grands-parents ici qui vont nous dire qu'à un moment donné, dans l'étable, la nuit, quand il y avait une nouvelle lune, non pas de lune du tout, une pleine lune, quand on s'approchait, il y avait toujours des espèces de phénomènes bizarres. Soit on parlait du diable. On parlait aussi des loups-garous. Mais si on étudie les légendes des loups-garous, on se rend compte que, quel que soit l'endroit sur la planète où on en parle, on parle des mêmes choses. On va blesser le loup-garou quand il t'attaque pour découvrir dans le village le lendemain matin ou deux jours après qu'il y a un personnage, homme ou femme, qui est blessé à la même place. On se rend compte progressivement qu'ils ont une peau de loup cachée chez eux. Et il y a des rythmes qui disent que si tu te recouvres de la peau de loup, dans certaines époques, si tu imites le cri du loup, les gestes du loup, à un moment donné, tu te transformes en loup. Et on dit que celui qui est mordu par le loup-garou devient aussi un loup-garou. Mais ça, tout ça, le fait que dans différents coins de la planète, on dit les mêmes choses, ce ne serait pas une espèce de complicité astrale? Bon, il y a une complicité astrale, mais il y a autre chose aussi. On a les hommes léopards, on a les loups-garous, on a les hommes hyènes. On a le même genre de phénomène à peu près partout sur la planète, dans n'importe quelle tradition, même dans les obédiences religieuses qui ne sont pas dans les égrégores reliés ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va en Nouvelle-Guinée, on va rencontrer les hommes léopards, et ceux-là ne prient pas les mêmes dieux. Ils n'ont aucun contact télépathique, aucun contact archétypal, aucun contact sympathique entre d'autres religions qui, elles vont développer ce genre de choses-là, par exemple, dans la chrétienté. Les vampires, on a encore une fois le même genre de phénomène. Le miroir ne réfléchit pas leur présence, d'où l'idée qu'ils n'existent pas. Le vampire a besoin d'énergie vitale. On compte historiquement que c'est un mort qui se lève de son tombeau puis qui s'en va sucer le sang des humains. Maintenant, ça, c'est... Si on essaie juste de comprendre comment l'humain est bâti d'un corps physique, d'un corps vital qui anime, qui est la vie, qui se transmet aussi par guérison, et l'humain a par la suite une âme, une psychologie, puis un corps mental. Qu'est-ce qu'un mort aurait besoin? Pas du sang, mais de la vie. Le vampire, s'il est une espèce de manifestation ectoplasmique, comme on va retrouver aussi au niveau des fantômes, il y a un très bon film là-dessus d'ailleurs, c'est SOS Fantômes, où on voit des manifestations d'une façon très hilarante, mais on voit exactement ce que c'est. Bon, l'ectoplasme gluant, la fille qui se met à faire de l'évitation possédée par une entité, et de quelle façon on agit avec, je le dis souvent en conférence, tant qu'à trouver ça drôle, tu vas voir qu'ils pourront rien te faire. Puis il suffit de voir le professeur Beckman, qui est totalement imbécile, alors il n'y arrive à rien non plus. Ben, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Le vampire va se présenter ectoplasmiquement, c'est-à-dire en énergie vitale, il se présente dans une pièce, traverse les murs. Bon, et on va souvent le représenter sous forme de chauve-souris. Pourquoi? Parce qu'il existe une chauve-souris vampire, qui, elle, justement, mort, suce le sang, et en groupe, ils peuvent même tuer. Bon, on a un parallèle. Mais qu'est-ce que le vampire venait sucer? C'était de l'énergie vitale. La preuve qu'on a de cela, un individu qui perd trop d'énergie vitale, qui est souvent fatigué, qui se sent souvent déplacé à côté de lui, qui a... Bon, il y en a plusieurs qui ont ces manifestations-là. S'il mange de l'ail a comme avantage de coller le corps vital au corps physique. Et on sait que l'ail fait fuir les vampires. Traditionnellement. Bon, à un moment donné, émotivement, on voit la chose. Alors, il y a énormément de légendes, de mondes parallèles qui se sont vécus. L'un des plus intéressants, c'est passé en Angleterre. C'est un paquet de personnes, des protestants, qui sont dans une église, en train de protester. Et puis, à un moment donné, ils entendent le clocher qui fait du bruit. La cloche tinte, mais bizarrement, puis il y a des bruits métalliques. Alors, les fidèles sortent à l'extérieur pour voir ce qui se passe. Et puis là, on voit un bateau qui flotte dans l'air, avec une ancre prise dans le clocher. Et là, subitement, on voit quelqu'un qui plonge dans l'air, qui descend, qui essaie de décrocher l'ancre. Comme l'église n'est pas trop grande, il y a des personnes qui automatiquement, qui immédiatement montent par une échelle sur le clocher, et là, retiennent le bonhomme. Il essaie de descendre à terre. Puis là, finalement, le prêtre se rend compte que le bonhomme est en train de mourir. Fait que là, il leur donne à ses fidèles de le lâcher. Le gars décroche l'ancre, mais l'ancre est plus ou moins décrochée, le gars remonte en haut, puis il remonte dans le bateau. C'est pas l'arche de Noé, ça? Non. Par contre, ce qui s'est passé sur l'océan, sur la mer du Nord ou sur l'océan de l'Atlantique dans ces régions-là, il y a un bateau, à un moment donné, qui a jeté l'ancre sur le bord d'une côte, puis l'ancre est restée prise dans le fond. Ils ont tout fait pour la sortir, puis ils n'ont pas été capables. Alors, il y a un gars qui est plongé dans l'eau, il est descendu, et là, il s'est rendu compte que l'ancre était prise dans un clocher d'église, dans l'eau. Et là, il a réussi à défaire le clocher, mais là, il y a paquet de personnages qui sont sortis d'église, dans l'eau, qui l'ont agrippé, puis qui ont failli le noyer. Mais à un moment donné, ils l'ont lâché, il est remonté dans un bateau, puis là, il s'en est sauvé. Mais le bateau n'était pas parti avec le clocher de l'église? Non, quand mais même. C'est une question de... convenable, puis on laisse le clocher là. Mais c'est des mondes parallèles? Voilà. Ce qui s'est passé en même temps sur la planète Terre, mais quelque part dans le temps, quelque part dans des phénomènes, c'est mélangé. Et là, on va dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On va en Angleterre. La lance de Longinus, elle existe. Elle est en Autriche. Mais Longinus, apparemment, n'a pas existé. Bon. La table ronde, elle existe. Il y a énormément de choses qui existent. Mais les chevaliers de la table ronde et la quête du Graal, c'est illusoire. Le roi Arthur, etc., c'est une légende. Une légende qui a beaucoup d'attaches matérielles. Si on regarde encore la ville de Troyes, si on regarde l'Atlantide, Homer en parlait, et on peut se promener dans tellement de places pour se rendre compte qu'énormément de légendes ont des caractères réels, parce que ça s'est passé, comme dans le cas du roi Arthur avec Merlin, etc., ça se passait dans deux mondes totalement différents, intimement liés, et il y a eu une interaction entre les deux mondes, ce qui a engendré la légende, et c'est ce qui a engendré aussi les preuves matérielles de bribes de la légende. Les vampires, ça existe. Les fées, ça existe, loups-garous, ça existe, etc. Sauf qu'on doit aussi se rendre compte d'une chose, plus l'être humain devient mental, moins il voit ce genre de choses, et moins il y a de manifestations de ce genre de choses. Plus l'énergie vitale de l'humain est orchestrée par le mental, développe la cérébralité, l'intelligence et l'intellectuance, moins l'énergie vitale est facilement capturable par des mécanismes astraux, donc qui viennent du monde de la mort, de façon à se recréer par l'énergie vitale en ectoplasme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les apparitions de la Vierge, on n'en a pas à Montréal, mais on va en avoir dans les pays sous-développés. Les manifestations vampiriques ou loup-gariques, on va en avoir dans des régions, on va dire, superstitieuses. Ceux qui décodent l'événement par l'émotivité et par la théologie. Mais on n'en aura pas dans des régions extrêmement mentales. Parce que ceux qui vivent émotivement sont toujours en train de vouloir s'aimer, d'expandre leur énergie vitale tout partout, et nécessairement, il y a des mécaniques qui viennent s'en approprier. Est-ce qu'il y a encore dans des, par exemple, au tiers-monde, des phénomènes de loups-garous? Ou des trucs dans le genre? Il y en a à peu près plus. Il reste de loups-garous, non, mais s'il y a des hommes animaux, des femmes animales, pas nécessairement reliés aux loups, Il y a encore plusieurs populations qui vivent d'animalistes, qui vont adorer des animaux et qui vont privilégier les formes animales et qui nécessairement vont aussi créer ce genre de phénomène. Ça existe encore. J'ai été au Pérou, en Amazonie, et à un moment donné, il y a un bonhomme qui s'appelait Moïse, ça donne, hein, c'est comme ça. Et lui, déjà avec des photographes du National Geographic, il avait été dans la jungle, et puis d'ailleurs, c'est lui qui avait entraîné des formateurs de l'armée pérouvienne pour survivre en jungle. Il les avait amenés vers une tribu qui ont des grandes lobes d'oreilles, puis des affaires dans le nez, comme les chevaux, là, tu sais. Des on deux met dans la jungle avec ça, puis des deux par c'est dangereux, ils se crèvent toutes les yeux avec ça. Bon, ouais, c'est ça. Et là, on lui a demandé, est-ce que ça t'arrive d'aller plus loin? Et puis plus loin, non, parce que plus loin, il y a des hommes jaguars. Même les forces armées péruviennes ne t'accompagnent pas là, parce que c'est trop dangereux. OK, on a les sarbacanes, on a le curare, qui est un grand paralyseur des muscles respiratoires, mais il y a les hommes jaguars. Alors, il y a encore des régions où le mental humain n'a pas été présent, où on peut retrouver ce genre de choses-là. Et c'est évident que nous allons dire, voyons là, ça n'a aucun sens, on va se ramasser là-bas, on va dire, bon, ben c'est un indigène avec une peau de jaguar sur la tête. Mais à un moment donné, on va se rendre compte que dans les légendes, et que même les légendes, même plus les légendes, dans ce que les blancs, dans ce que les manteaux amènent, on aura, j'ai été attaqué par un jaguar, qui, à un moment donné, s'est levé debout, m'a regardé droit dans les yeux, puis finalement s'est en allé. Le jaguar n'est pas bipède et quadripède. Alors, on a quand même, bon, là, il reste à dire, est-ce que c'est un jaguar dressé? Son anatomie ne lui permet pas, surtout pas psychologiquement, de se lever pour te regarder. Est-ce que c'est un homme jaguar? Est-ce que c'est ce que c'est? Une chose certaine, c'est que ces choses-là ont existé. Il y en existe encore aujourd'hui. Et c'est intéressant d'en parler, mais on n'en verra pas à Montréal. Ça complique le travail des historiens, ça. Parce que c'est une réalité qui... Historiens, c'est des romanciers. Ça complique rien. Mais... S'ils veulent mettre la logique là-dedans, c'est compliqué. Deux, trois mondes parallèles. Oui, mais tu fais juste de regarder ceci. On part avec des singes. Hein? On part avec des lémuriens. C'est un lémur, c'est un singe. Et puis là, on remonte l'échelle, puis on essaie d'étudier l'évolution osseuse, paléontologique et archéologique de ces phénomènes-là. Et puis à un moment donné, on arrive à une place que là, c'est simiesque, ces singes. Et puis, subitement, il manque plusieurs millions d'années. Et là, on trouve l'homme de Pithecanthrope, l'Australopithèque. Et là, on peut reconstituer une chaîne jusqu'à l'homme de Cro-Magnon, puis finalement, jusqu'à l'homo sapiens sapiens. Toi. Bon, mais il manque sur la planète un paquet d'os. On appelle ça le chaînon manquant. Ou les chaînons manquants. Ils n'ont pas vu le film. Non, ils n'ont pas vu le film. Et puis là, on essaie de reconstituer historiquement. Mais si tu considères qu'il y a l'évolution de l'animal, à un moment donné, intervention de la race adamique, intervention extraterrestre, qui par fusionnement, disons simplement par imprégnation, va commencer à faire évoluer, et là, on voit que l'animal commence à avoir une tendance à se bipétiser, à devenir bipède. Mais ça reste simiesque, c'est le crâne avec des gros arcades sourcilières, puis pas de place pour le cerveau. Puis subitement, on dirait qu'il y a des mutations génétiques magistrales. Oui, il y a une sexualisation entre les extraterrestres, la race adamique et la race humaine, on en a déjà parlé, plus au niveau du séminaire. Et finalement, ce qui en sort est un être humain beaucoup plus avancé, physiquement, il y a un mélange génétique, et qui maintenant a une âme. Qui n'a pas une âme, il n'a pas d'intelligence, il a une copie animalisée de ce que la race adamique avait. La Bible en parle en ce sens qu'à un moment donné, il y a eu l'accident, la confrontation entre la pomme et l'homme et la femme. Ça l'a engendré ce que nous connaissons comme humanité. Le chaînon manquant, on va le chercher où? On a beau creuser, quand on creuse, on trouve des brachiosaures, on trouve des élasmosaurus, on trouve des cro-magnons, puis on trouve de la terre. On est fait à l'os. En plus que ça, c'est rendu des minéraux. Il y a des régions de la planète où il y a plus de tendance à y avoir des manifestations de mondes parallèles, comme par exemple le triangle Bermude, ou dans les Himalayas. Ou au Québec. Au Québec. Justement, le Québec semble être une terre spéciale. Mm-hmm. Peux-tu parler un peu de ça? Oui. Parle. On a déjà fait une conférence sur les lieux interdits. Le triangle des Bermudes est un lieu interdit. Le triangle du Pacifique, le triangle de la Polynésie. Il y a une partie du Québec. Il y a plusieurs phénomènes intéressants là-dedans. Pourquoi c'est interdit? Interdit en ce sens que l'humain n'a pas la capacité psychologique ou physique d'être capable de supporter ce qu'il va voir là ou ce qui va se passer là. Donc, c'est interdit mécaniquement. C'est pas interdit ni à l'époque, parce que tous les teflons vont nécessairement se ramasser là. C'est interdit en ce sens que l'humain qui va là, ben, il se couche là, puis il fait des cauchemars. Alors, tant qu'à cauchemarder, il reste pas là. L'humain qui va là a des illusions. Il a des images bizarres qui vont apparaître. Il a des perceptions biologiques endocriniennes qui le traumatisent. Alors, l'humain ne reste pas là. Imaginez-vous qu'à un moment donné, et c'est arrivé, ben c'est arrivé, c'est des perdus un peu qui comptent ça. C'est au-dessus du triangle des Bermudes, on a une flotte d'avions de chasse. Puis comme on sait très bien, c'est pas les plus brillants qui chauffent ça. Ça se conduit ça, un avion de chasse, c'est pas besoin d'être bien rapide, hein? Il faut presque pas d'études. Ils se perdent bien. Et puis au-dessus du triangle des Bermudes, à un moment donné, ben, tout le système de navigation commence à se perturber. Mais on a déjà volé à vue. Puis Charles Lindbergh a traversé, lui, des océans avec aucun système de navigation. Mais c'est pas ça, c'est que le système de navigation vient perturber, mais l'humain à l'intérieur vient perturber. Pourquoi? Parce que l'humain ne trouve plus l'océan. Et ça, c'est fréquent dans toutes les communications aériennes. Deux problèmes au-dessus du triangle des Bermudes, mais on va voir que ça se passe plus aujourd'hui. Pourquoi? On verra. Et c'est fréquent. On ne trouve plus l'est, le nord, le sud. On ne sait même plus si on monte ou si on descend. Puis quand on regarde, il n'y a rien. Où sommes-nous? Nous sommes entourés de ciel. Il se passe quelque chose. À un moment donné, on perd la communication avec ces personnages et subitement, on la retrouve. Il n'y a rien là, perturbation électromagnétique. Tout est explicable. Sauf que les imbéciles de pilotes nous disent qu'à un moment donné, ils ont perçu la Terre. Puis quand ils ont voulu se rapprocher de la Terre, ils se sont rendus compte que c'était préhistorique, c'était des fougères, c'était des immenses conifères, pas de piste d'atterrissage, plus rien. Alors à un moment donné, ben, ils ont viré de cap et puis ils ont retourné, ils sont revenus sur le pont en espérant de rencontrer d'espoir. Et puis subitement, ben, on a recommencé à communiquer par radio. Puis là, les appareils sont remis en marche. Puis là, ils se sont dit, illusion collective, bon, on est revenu. Mais ce qu'ils ont vécu est tellement intense que chez eux, ils l'ont vu. C'est passé quoi? Ben, il s'est passé qu'ils sont retournés quelque part dans le temps. Ou qu'ils sont fous. Bon. Alors, on prend s'ils sont fous, on les met dans une asile, c'est-à-dire qu'on les conserve dans l'armée. Bon. Et là, on fait des expériences avec un sous-marin nucléaire américain qui, lui, se met à faire des 8. C'est-à-dire qu'il fait... Il s'amuse à repasser dans les légères traces radioactives qu'il laisse dans l'eau. On s'arrange pour qu'il en fasse. Normalement, ça n'en fait presque pas. Et il s'amuse à l'intérieur de ça, il repasse régulièrement. Puis subitement, tous les observateurs qui sont là voient le sous-marin disparaître. Mais c'est encore des illusions collectives, on le sait, bon, on est habitué. Tous les psychologues qui ne sont pas là vont vous le dire. Sauf qu'il y a un paquet de fous à Philadelphie, à Los Angeles plutôt, qui, eux, voient le sous-marin apparaître attaché à son port, à l'endroit. Ils ont des endroits suffisamment réservés. Et ils m'en allaient plus là. Mais sur l'Atlantique, dans le triangle, dans la mer du Diable, le sous-marin réapparaît. Rien là, on a, tu sais, c'est bon. Alors, on aborde le sous-marin avec un paquet de détecteurs, plus des détecteurs de fous, des psychologues. Et là, on se rend compte que les marins se plaignent de certains malaises. Ils se sentent brûlés. Et quand leurs mains commencent à brûler, ils se touchent et ça cesse. De temps en temps, il y en a qui brûlent assez qu'on commence à les perdre de vue. Et il y a encore un hôpital en Californie qui soigne uniquement ces personnages-là, parce que les Américains ont réitéré, ont recommencé l'expérience. Et ça a donné les mêmes résultats. Il y a des choses intéressantes, sauf qu'on n'en voit pas des humains comme ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que leur corps vital a totalement été vitalisé, on ne peut pas dire irradié, parce que ce n'est pas de atomique, c'est vital. Et revenus dans le temps ici, ils ont une inconsistance vitale. Puis comme c'est une énergie vitale qui maintient le corps physique en forme, plusieurs sont morts, d'autres avaient des brûlures très graves, et d'autres faisaient juste se plaindre un peu, eh bien, il s'est passé des choses. Ils ont joué avec un transporteur, soit temporel, soit ce qu'on voudra, et ils ont joué des choses. Mais ces personnages, ces marins, vont compter quoi? Ils s'entendent sur les mêmes versions. Et on a bien veillé à séparer cet équipage et le mettre en quarantaine. Puis quand on a recommencé quelques mois plus tard, ceux qui étaient là n'étaient pas au courant de rien. De toute façon, il n'y aura pas été. Bon, ils sont peut-être fous, mais quand même pas idiots. Et c'est la même chose, les mêmes histoires, les mêmes visions. Et c'est habituellement toujours préhistorique. Mais quand je parle préhistorique, c'est pas vrai. À l'époque des dinosaures. Donc, c'est préhistorique, mais vous savez, l'histoire, c'est quoi l'histoire? C'est quelques milliers d'années. La préhistoire, c'est quelques millions d'années. Non, voilà. Mais c'est quoi un monde parallèle? C'est-tu une déviation dans le temps d'une même planète ou différents mondes? Un monde parallèle, c'est quelque chose qui peut être prévisible dans la théorie de la relativité absolue d'Albert Einstein. Premièrement, dans une relativité restreinte, celle qui s'adresse uniquement au contexte planétaire, on va dire qu'un corps impose automatiquement son espace-temps aux autres corps. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être assis à la même place en même temps. Vous pouvez être assis à la même place dans deux temps différents ou vous pouvez être dans le même temps à deux places différentes. Ce qui est vrai. Nous sommes à deux places différentes dans le même temps. Si je veux être à la même place que toi, il faudra que je sois dans deux temps différents. Quand tu n'es pas là, j'y suis. Quand tu es là, je n'y suis pas. Le monde parallèle amène l'idée qu'il est possible d'être à la même place en même temps. Et là, ce qui va arriver, c'est que comme l'être humain n'est pas uniquement qu'un véhicule de chair, être à la même place en même temps implique qu'il y aura des mélanges dans la mémoire, dans l'énergie vitale, il peut y avoir des communications qui vont s'établir, et comme l'humain est la meilleure machine, le meilleur scruteur qui existe, c'est le meilleur instrument, on ne peut pas bâtir des pareils. On va dire que nos instruments sont pas subjectifs, c'est plus précis. C'est précis dans ce qui est objectif, mais ça ne peut pas rien détecter de ce qui n'est pas objectif. La subjectivité est quelque chose qu'on doit amener, parce qu'on n'a pas les mots et qu'on n'a pas encore suffisamment d'expérience de la subjectivité, on les motivise et on la déforme un peu. Alors, un monde parallèle, donc, c'est lorsque des continuums temporels, ça veut dire quoi? On a la même planète Terre, mais le passé est présent en même temps que le présent. Donc, les individus qui vivent là ont des relations intimes avec ce qui s'est déjà passé. On va expliquer ça par de différentes façons. À un moment donné, à l'aéroport de Dorval, on a reçu un message de détresse d'un bombardier américain poursuivi par des Messerschmitt allemands. Alors, la tour de contrôle a essayé de communiquer avec le bombardier, il n'y a pas de réponse. Là, on va se dire, c'est que, et c'est une explication qu'on a amenée, il s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale, cet événement, et lorsque le bombardier a émis son message de détresse, la couche atmosphérique l'a capté. L'onde a circulé pendant 35 ans dans la couche atmosphérique et à un moment donné, elle a été rejetée et l'aéroport de Dorval l'a captée. Par contre, on sait très bien qu'il y a un facteur d'atténuation d'une onde. Et dans ce cas-là, il faut croire que ça peut atténuer tellement. Autre chose, et ça à l'exposition 1967, j'étais très jeune à l'époque, du moins mon corps, et on faisait une projection d'un phénomène intéressant où un bombardier américain était parti avec toute une escadrille pour attaquer un point cible. Lorsqu'ils sont revenus, ils avaient le vent en plein visage. À un moment donné, ils ont eu des problèmes et ils se sont écrasés. Bon, on sait que le bombardier a disparu. Ce qui est arrivé, c'est que quelques années après, un vol par hasard d'un avion civil au-dessus du désert, c'est où ça s'est passé. Ils ont découvert la carcasse d'un avion. Alors, ils ont envoyé des personnes au sol et ils se sont rendus compte que c'était le bombardier en question qui était disparu comme ça, porté disparu simplement pendant un conflit militaire. Le problème, c'est que le bombardier, après s'être rendu sur la cible, après avoir tourné et largué ses bombes, et après être revenu le vent face à lui, théoriquement, il n'avait pas suffisamment d'essence, tu t'en viens pas quand tu veux, quand tu es en guerre, hein, tu te bats pas mal un peu avant, pour atteindre la base. Sauf qu'ils l'ont retrouvé très, très, très loin, dépassé la base. Et le vent contraire, pas assez d'essence, ils n'ont jamais expliqué. Ils ont trouvé le copilote mort dans l'appareil, quelques personnes. Ils ont trouvé par la suite les vestiges du pilote. Ils n'ont jamais pu expliquer le phénomène. La boîte noire, elle est là. Elle enregistre des coordonnées de vol parfaites. avec des problématiques. Bon, il y avait un moteur qui avait été abîmé. Puis il vient s'écraser. Tout est correct. Sauf que c'est pas écrasé à la bonne place. Bon, cinq sortes. Et là, c'est intéressant. Il y a des journalistes qui s'en étaient occupés, puis finalement, ben, c'est tout. Mais le vent, peut-être, le pousser. Surtout que ça nous permet de faire des conférences aussi. Ah, effectivement. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'avion a volé, l'avion s'est écrasé là où il devait s'écraser. Mais peut-être qu'à ce moment donné-là, il s'est passé quelque chose où il y avait des mélanges au niveau de la consistance même de la matière. C'est évident que quand scientifiquement on n'est pas habitué à ça, ça fait bizarre. On sait de plus en plus, depuis qu'on a des astrophysiciens, et l'astrophysique est la science qui se rapproche le plus de la théologie, c'est-à-dire qu'elle n'explique pas émotivement les choses, mais elle a tendance à mettre de l'envergure dans l'explication. On sait aujourd'hui que toutes les lois planétaires ne s'appliquent pas ailleurs que sur la planète. Bon, ça, on sait ça. On sait aussi qu'il y a énormément de... On parle de monde parallèle. Je l'ai déjà dit, si tu prends une capsule puis que tu la lances dans l'espace puis qu'on est tous dedans aujourd'hui, si le vaisseau spatial tourne, eh bien, on va tous se sentir s'en aller par là. Parce qu'il crée une accélération, il y a un vecteur de changement, une accélération opposée, puis là, on s'accote là. Quand il revient droit, on se replace. Ça va bien. Sauf que si on prend le vaisseau puis on le fait régulièrement tourner, ben, on va toujours être à côté là. De quelle façon on peut éliminer ça? On met une planète en plein milieu, puis on le met en orbite autour de la planète. Automatiquement, on est droit. Alors, la question que les astrophysiciens vont se poser, c'est celle-ci. Ou bien la gravité planétaire corrige instantanément toutes les différences de tangente du vaisseau pour nous rendre la vie agréable. Et ça, ils le disent comme ça. La gravité s'arrange pour que l'observateur soit bien. Dieu est bon. La Terre. Ouais. Les astrophysiciens disent que ça, là. Ils disent pas Dieu, mais bon. Pour qu'on soit confortable. Oui. Pour que la matière soit confortable. Maintenant, ce qui arrive, l'autre phénomène, ou bien la Terre ne tourne pas sur elle-même, mais elle se promène dans l'espace en ligne droite, puis si on se met à côté, vu qu'elle tourne là, on a l'impression qu'on tourne autour, mais comme on ne tourne pas autour, c'est elle qui tourne, on n'a pas ce facteur de propulsion. Mais si la Terre fait ça, tu dis simplement, si je mets un vaisseau dans une autre orbite, bien là, il faut qu'elle tourne dans deux directions en même temps sans que ça la dérange. Et si on en met 25 directions en même temps sans que ça la dérange. Et là, l'astrophysique, elle arrive à la même conclusion. Il y a une explication parce que c'est évident. On le sait, on a des astronautes, on les a envoyés. C'est évident, là, c'est plus question de subjectivité. Mais l'explication par l'astrophysique, elle est soit un champ gravitationnel qui corrige instantanément le désagrément d'une orbite, soit d'une planète qui finalement est des milliards de planètes ensemble, qui atomiquement se plaît de s'orchestrer en fonction d'observateurs. L'homme, l'animal, le végétal, etc. Les astrophysiciens, après ça, ils se disent, bon ben là, fini pour aujourd'hui, ils vont se coucher. Arrangez-vous que le reste. Là, il faut qu'ils vulgarisent. Ouais, ils vulgarisent pas beaucoup. Pas beaucoup, hein. Oui, ils vulgarisent dans les livres de science-fiction. Isaac Asimov, entre autres, en est un, puis il y en a plusieurs aussi qui vont vulgariser dans des livres de science-fiction, parce que l'humanité ne peut pas comprendre. Alors, on leur permet de rêver des choses, puis à un moment donné, quand on amènera de l'information, puis là, l'humanité va préparer émotivement. Ça passe. Alors, pas on va le rentrer mentalement. Alors, les mondes parallèles, c'est ce genre de choses-là. Le triangle des Bermudes, c'est un phénomène de monde parallèle. Quelqu'un pourrait dire, par exemple, bon, le Saint-Hilaire, est-ce que c'est un monde parallèle? Ah, parce qu'il y a des personnes à moustache qui... Autour de la Terre, il y a des phénomènes parallèles. Il y a des ouvertures qui nous permettent de jouer dans l'histoire. Dans les montagnes du Tchouk-Tchouk, on peut envisager beaucoup plus la possibilité de voyager dans le temps. Alors que dans le mont Saint-Hilaire, c'est beaucoup plus la possibilité de se faire fourrer dans le temps. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il y a de l'information colorée dans ce que tu vas rencontrer dans le mont Saint-Hilaire, comme dans plusieurs autres places sur la planète, comme à Fionorme, entre autres en Écosse, Et sur d'autres régions, l'information n'est pas colorée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intentionnalité animale ou, disons, humanoïde dans ces régions. Alors, c'est ce qui fait la différence. Hein? C'est bien. La race atlantéenne, elle a déjà existé? Non. Oui. L'Atlantide? Oui. Il y avait des bébites à deux pattes. Est-ce que c'est vrai que présentement, le peuple américain le réincarne en grande majorité? Bon, le peuple américain réincarne le peuple romain. Les Romains ont réincarné les Atlantéens. Non. Et le peuple américain, il faut faire attention, le peuple des États-Unis d'Amérique réincarne les Romains. Et c'est pourquoi les États-Unis d'Amérique sont des bâtisseurs. S'ils font des conquêtes, c'est uniquement dans le but de bâtir, comme les Romains l'ont fait. Et ce sont des précurseurs. Ce ne sont pas des guerriers, pas le peuple américain. Ils vont jouer à G.I. Joe, mais ça, c'est simplement fait partie des exceptions. Le peuple Nord-Amérique, donc le Canada et les États-Unis d'Amérique, ont une forte tendance présentement à incarner le peuple atlantéen, mais la race qui a incarné le plus le peuple atlantéen est la race allemande. Et la race allemande, la race aryenne, qui est la première sous-race de la race mère blanche, donc les descendants, les premiers descendants de la dernière race rouge atlantéenne, et c'est Adolf Hitler, c'est de ce qu'il parlait, la majorité du phénomène allemand atlantéen est mort pendant la guerre. Les Atlantes étaient des combattants, des guerriers. Ils sont battus contre Mule, ils sont battus contre l'Europe, ils sont battus entre eux autres, puis finalement, ils sont même détruits. Ils sont débattus. Maintenant, le peuple québécois, canadien et États-Unis d'Amérique a maintenant cette faculté aussi de réincarner une grande partie de la race allemande, et la race allemande veut aussi continuer à réincarner. Alors, si on parle du peuple atlantéen, il y en a dans l'Allemagne, il y en a des exceptions sur la planète, et la majorité, allemand, atlantéen, romain, et il y a plusieurs autres facteurs, s'incarne unitairement, donc c'est fusionné, dans le peuple du contexte nord-américain. Mais pas l'Amérique en dans le sens États-Unis d'Amérique. OK. Il y a toujours eu des grands initiés, des gens qui avaient des grandes gueules au travers des époques. Jésus, certains qu'on ne nommera pas. 5 pieds 4. Pourquoi est-ce qu'ils font des visites comme ça? Puis qui font un travail qui catalyse l'évolution de l'humain? Ah, je me réponds. Ben, c'est ça, catalyser l'évolution de l'humain. Donc, voilà notre question. La parole, ça permet, si on s'écoute parler pour se saluer, on se répond, c'est bon. À quoi mène l'évolution? L'évolution? À quoi mène l'évolution? C'est une question, ça, que personne n'a même jamais posé aux Nazarènes. Ben ouais, inexpliqué, on rentre dedans ou pas? Oui. Pour comprendre comment l'évolution, il faut que l'individu ait accès à beaucoup d'informations de ce qui fait partie de l'inexpliqué. Alors, juste brièvement, quelque chose d'inexpliqué, c'est quelque chose qui ne peut pas être supporté, par exemple, qui ne peut pas être supporté par l'expérience humaine. Quand on a commencé à parler d'un phénomène qui peut-être dominait le contexte planétaire, on a dit on a un père, on a une mère, la mère, la terre, bon, le Dieu, le père. Mais si les humains n'avaient jamais eu de père et de mère, on n'aurait jamais pu parler comme ça. Progressivement, on va arriver, on va même faire des relations, des parallèles entre votre cerveau et les ordinateurs. Mais avant qu'on ait les ordinateurs, on n'en parlait pas du cerveau. On ne peut pas en parler du cerveau. On n'avait pas de parallèle. Bon. Alors, c'est évident que si tu dis à quoi mène l'évolution, il faut que l'humain ait certaines formes d'expérience, parce que c'est surtout à l'ego, donc au phénomène expérientiel, à l'intellectuel, ce qui sert de mémoire pour associer, qu'on va s'exprimer. Donc, on ne peut pas en parler. Ben, on peut en parler, sauf que... Oui, je peux en parler. Mais ce qu'on va dire va demander aux personnes d'être suffisamment subjective et de commencer à se laisser aller dans une forme de fiction. Pourquoi fiction? Parce que non expérimentée, mais totalement réelle. Alors, on peut en parler, mais l'évolution, juste brièvement comme ça, elle permet de digérer la création. Mais là, l'humain pose la question, bon, mais on dit que l'évolution, c'est pour retourner vers Dieu. Mais c'est ce que je dis aussi, retourner vers le centre-source. Mais le centre-source, c'est pas Dieu. Dieu, c'est... On a un paquet de visières en avant de nous, des couleurs avec des couleurs dedans, et la visière qu'on voit, on dit que c'est ça Dieu. Bon, mais la lumière qui passe à travers, là, elle n'est pas rayonnée par la plaque. Mais nous, on pense qu'elle la rayonne. Alors, on dit, c'est ça Dieu. C'est comme de dire, le soleil nous éclaire. Le soleil t'éclaire pas pantoute. Il éclaire. Il éclaire même pas. Qui ici pense que le soleil éclaire? Le soleil éclaire pas. Non, non, non. Faut que ça cherche, là. Il faut pas que ça cherche, faut que ça trouve. Ah, ouais, c'est... Le soleil, ça n'existe pas. Le soleil, c'est un ramassis d'atomes, d'hydrogène, qui, à un moment donné, se fusionnent en hélium. Pour se fusionner en hélium, ils doivent libérer de l'énergie, et l'énergie est rejetée. L'association des particules d'hydrogène, d'hélium, etc., c'est ce qu'on appelle le soleil. Et pour l'humain, le soleil, c'est une boule de feu. Alors que la boule de feu n'existe pas de par elle-même. Le soleil n'éclaire pas l'humain. Premièrement, le soleil n'éclaire pas en ce sens qu'il n'est pas intentionnel, il éclaire dans tout l'univers. Deuxièmement, le soleil lui-même n'existe pas, c'est uniquement de l'hydrogène qui se fusionne en hélium. Et ça dégage l'énergie. Hydrogène, c'est pas que t'existes, s'en fout. Hélium non plus s'en fout. Ils sont même pas au courant, eux autres. Et là, il y a des photons qui s'en viennent avec de l'énergie, bon, des photons qui vont être infrarouges. On a toute une panoplie de rayonnement qui est dégagée. Puis nous, ben, on est constitué de façon à pouvoir s'en servir. Mais c'est le soleil, c'est clair, pas le soleil. Mais c'est comme n'importe quoi, il n'y a pas d'intentionnalité. Il y a une manifestation sur une certaine réalité, mais c'est une illusion en même temps. Puis... Mm-hmm. Il faut en parler un peu pareil. Mais il faut en parler pour qu'on finisse par comprendre d'autres choses. Parce qu'on vit dedans. Moi, je prends le verre ici et je le dépose sur la table. Tout le monde pense que le verre touche la table. Le verre ne touche pas la table. Pourquoi? Pour la simple raison que le verre est constitué d'atomes, la Terre est constituée d'atomes, et les atomes, il y a un noyau, on a un champ électronique, c'est pas un électron qui tourne autour, en réalité c'est un champ électronique, et les champs électroniques se répulsent. Donc, ça ne se touche pas. Quand ça se touche, on appelle ça une fusion nucléaire. Bon, on n'a pas connu ça à Hiroshima, on a connu ça un peu plus après ça dans l'archipel dans le Pacifique, c'est plus puissant que les bombes nucléaires. C'est une bombe à hydrogène, une bombe à fusion. Parce qu'il ne se touche pas, il ne se touche pas. Alors moi, je fais toc, toc. Mais en réalité, je crée une perturbation dans l'air, ça crée un bruit. Pourquoi? Ça crée une onde. Mais le verre, les molécules, les atomes du verre ne peuvent pas toucher aux atomes de la table. Ils ne se touchent pas. Et là, on va dire, oui, mais c'est une façon de parler. Non, non, non. Ils se touchent, ça, c'est une façon de parler. Mais c'est pratique. Sauf que c'est pas vrai. Et la chose qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, quand on est capable, dans notre tête, de s'amuser à voir les choses plus comme elles sont, ça nous permet plus tard d'accepter aussi de nouvelles formes d'explication sur des choses traditionnelles. Sans qu'on soit toujours en train de dire, ben oui, alors, comme j'explique de temps en temps, Newton a dit, pour qu'un corps se déplace, on doit appliquer une force. Quand on arrête d'appliquer une force, il cesse de s'immobiliser. Il s'immobilise. Alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est faux. Pour qu'un corps bouge, on n'a pas besoin de force. Pour qu'un corps arrête, on doit appliquer une force. Et là, Newton viendrait m'obstiner et dirait, ben oui, alors, là, je ne donne pas de force, il ne bouge pas. J'en donne une, il bouge. Moi, je vais te dire, oui, mais c'est parce que tu ne connais pas la force qu'on appelle friction et la force qu'on appelle gravité. Mais si je prends ton verre, je le mets dans l'espace, je le laisse aller, il va avancer éternellement. Si je veux l'arrêter, je devrais appliquer une force. Si je veux le faire tourner, je devrais appliquer une force. Et là, tu vas me dire, oui, mais regarde, tu dois quand même le lancer. Non, lâche-le là. Par rapport à la Terre, tu vas voir qu'il bouge. Si tu veux l'empêcher de bouger, il faudra que tu appliques une force. Dans le contexte planétaire, il y a déjà deux forces que Newton ne connaît pas. Et ces deux forces-là font en sorte que la théorie de Newton est vraie et applicable. Seulement sur la planète. Seulement sur la planète ou seulement sur une planète. Mais pas ailleurs. Alors, c'est important d'arriver à juste s'amuser un petit peu, parce qu'après ça, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas, qu'on ne pourrait pas comprendre, qui deviennent accessibles à notre compréhension. Tant qu'être dans la matière, on parlait un peu de l'alchimie. Il y a eu différentes explications, différentes tentatives au travers de l'alchimie. La 57e. La 57e, c'est de savoir, de comprendre pourquoi. Comment ça que les métaux, les cristaux, il y a une vague aussi dernièrement que les pierres, les médaillons, les cristaux. C'est tellement bien les cristaux, savez-vous, qu'à un moment donné, moi, je vais voir quelqu'un qui s'y connaît, je le fais tailler convenablement, mon cristal, puis je te le donne. Après ça, j'ai rien qu'à placer mon poste de radio sur la bonne fréquence, puis tout ce que tu dis chez vous, je le capte. D'ailleurs, les agents secrets s'en servent. Quel pouvoir, c'est là, le cristal? Ben, ça n'a aucun pouvoir. Quelle alchimie pour commencer. C'est les alchimistes qui ont trouvé ça. Mais c'est ça. Al, ça veut dire quoi? Vous connaissez Allah? Dieu. Al, c'est Dieu. Chimie. Bon. L'alchimie, la chimie de Dieu. Comme la numérologie va être les mathématiques nous permettant de calculer Dieu. L'alchimiste est donc un chimiste de Dieu. Il veut transformer la matière en lumière. Bon. Premièrement, une chose qu'on doit comprendre, c'est que si je prends un noyau, je mets un électron après, c'est de l'hydrogène. Dans mon noyau qui est un proton, je rajoute un neutron. Là, je vous passe les détails de comment on crée des neutrons, c'est bien facile. Et vu que j'ai un neutron, j'ai un noyau d'hydrogène qui est un peu plus lourd. Si je mets un deuxième neutron, j'ai du deutérium, j'ai un hydrogène plus lourd encore. Mais là, si je rajoute un autre électron, j'ai de l'hélium. Si je prends du plomb, puis que je joue avec les électrons qui sont autour, j'en fais de l'or. Et c'est la matière. Identique, la même chose. L'alchimiste, lui, avait été fasciné, premièrement, par la découverte que le charbon était du carbone pur, puis que le diamant était du carbone pur. Ça l'avait jeté à terre. Et à l'époque, il n'y a pas beaucoup de chaise, c'était gluant pas mal, il ne l'avait pas. Ça glissait facilement. Ça tombait à terre. Le carbone pur est transparent et extrêmement solide, et le carbone pur brûle bien, est opaque et friable. Dépendamment comment les molécules sont placées. Alors il s'est dit, les alchimistes se sont dit, ensemble, réunis à un colloque, à un moment donné, ça serait sans doute intéressant qu'on étudie le reste de la matière, parce que possiblement qu'on fait juste changer de la matière chez l'homme pour avoir des résultats totalement différents. On va être capable de prendre le charbon, l'homme, et le transformer en Dieu, le diamant. On va être capable de prendre le plomb, pesant, vil, etc., et le transformer en or, Dieu, le soleil. Pourquoi le plomb en or? Pourquoi pas le cuivre en or? Parce que le plomb était symbole de la lune. Et l'or était le symbole du soleil. Transformer la nuit en journée. L'alchimiste, ce qu'il voulait faire, lui, c'était de prouver à son ego, de se prouver, que la théorie qu'il avait de la matière était vraie. On pouvait alchimiser, muter les choses. S'il parvenait à prendre le plomb et en faire de l'or, c'était une preuve qu'on peut prendre l'homme et en faire un dieu. La femme peut en faire une déesse. Alors, une déesse est plus faible que Dieu, hein? La femme peut en faire un dieu. Je suis d'accord. Oui, c'est comme un directeur ou une directrice, lequel est le plus puissant? Directeur. C'est pour ça que les femmes veulent être des directeurs heureux. Mais il y a raison. Sinon, les pierres ont des... À cause d'une énergie vitale qu'ils ont, ou les cristaux, les diamants... Les pierres n'ont pas plus d'énergie vitale que les maris. Que les... Les Robert. Ils ont des particularités, des caractéristiques qui influencent l'homme, l'énergie vitale de l'homme. Puis comme, par exemple, l'arche perdue, le Graal, au niveau planétaire, ont un même rôle. Bon, l'arche d'alliance. Oui. L'arche d'alliance est constituée d'or, d'argent, il est constitué de cuivre, il est constitué de bois, et il est constitué d'uranium. Entre autres. L'arche est constituée de telle sorte qu'il dégage qu'il crée une harmonique vibratoire dans le milieu, l'arche, qu'il dégage énormément d'énergie vitale dans certaines conditions atmosphériques. Bon, c'est extrêmement dangereux pour l'humain parce que ça va drainer tout son plan vital. Le Graal, c'est de l'énergie qui a été christifiée à un moment donné, donc sa vitalité est différente. Mais aujourd'hui, le Graal est de plus grande puissance, ça se perd à la longue. Si on regarde les cristaux ou si on regarde les pierres, justement, qui ont des effets sur l'humain, la pierre ou le cristal, c'est tout ce qu'ils ont, c'est qu'ils sont façonnés d'une certaine façon. La façon dont ils sont façonnés, cela dégage une forme particulière. La forme elle-même dégage une onde de forme, un esthétisme, et l'esthétisme va jouer énormément sur la psychologie humaine. Mais en plus, l'onde de forme, en plus de jouer sur la psychologie humaine, hein, c'est beau, c'est laid, ça te plaît, ça te relaxe, ça t'énerve, en plus de jouer sur la psychologie humaine, ça joue sur le corps vital de l'homme. Jouant sur le corps vital de l'homme, donc sur sa structure intra-atomique, ça joue sur le corps physique de l'homme. Comme l'ego se connaît à partir de son corps physique, plus le corps physique, plus le corps vital est altéré, plus l'ego commence à jouer, à être altéré. En plus, les cristaux, donc la majorité des pierres, émettent des fréquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je prends un cristal dans la maison, une pierre ou quelque chose comme ça, même une bague, et je dis à ma femme, je t'aime. Sauf que le cristal va recevoir ma vibration, c'est oral ce que je viens de dire, et il va la réémettre. Et tous les cristaux font cela. D'ailleurs, maintenant, on a des radios où on a des cristaux dedans. Si on achète un radio, un émetteur-récepteur, si on va avoir le canal 14, on met un cristal-récepteur, un cristal-émetteur. Le cristal a la particularité, sous l'électricité ou sous simplement une vibration, d'émettre une longueur d'onde exactement la même, parfaitement. Alors, je vais dire à ma femme, je t'aime. Et elle va entendre « je t'aime », mais le cristal va communiquer dans son corps vital quelque chose qui n'est pas nécessairement « je t'aime ». Et parce que l'humain n'est pas conscient qu'il est double chez lui, parce que l'humain n'est pas conscient qu'il y a le mental, lui, qui peut se relier à l'esprit, la totalité de lui, et qu'il y a les mémoires de ce qu'il a expérimenté dans le corps physique, c'est la mémoire aussi, les lignes de la main, la face, etc. Et il a le corps vital et il a sa psychologie. Parce que la psychologie décode et perçoit par le corps vital une relation particulière et que, en même temps, l'ego entend par le mental et par l'oreille « je t'aime », il y aura un mélange entre les deux qui peut-être la femme va dire « c'est un hypocrite ». Comme elle peut vouloir dire, elle est tombée dans une extase totale. Ça dépend du cristal et toutes les pierres font cela. Il y a des régions où on va se promener dans la nature où on est mieux que d'autres. L'énergie tellurique est importante, puis en même temps, il y a évidemment tout le phénomène minéral qui est là. Les pierres, les cristaux influencent l'inconscient ou la conscience inconsciente de l'homme, pas le mental de l'humain. Et comme les deux chez l'humain, c'est totalement fusionné, on pense qu'on est nos émotions, on pense qu'on est tout ce qu'on veut pas être, alors qu'on est deux. Ce qu'on est, puis l'expérience planétaire de ce qu'on est, ce qu'on veut pour être, qui n'est jamais tout à fait à la hauteur de ce qu'on était. Vous êtes aux trois quarts une photographie de vous-même. La photo ne peut jamais être à la hauteur de l'original. Et comme on ne vit qu'à partir de nos photographies, et moi je me rappelle ce que j'étais, et moi je suis technicien en plomberie, c'est tout du passé. Alors nécessairement, il y a une grande partie de nos photos qui se ternissent, qui jaunissent, puis c'est jamais ce qu'on est. Quand l'humain sépare les deux, les cristaux manipulent un peu le corps physique, mais ça ne manipule pas la conscience de l'homme. Okay. L'énergie yin et yang, est-ce qu'elle circule dans toute la matière ou seulement dans ce qui vit? Non, l'énergie yin et yang circule. Elle est présente. Le yang est quelque chose qui est beaucoup plus solaire. Attends, le yang, le soleil n'émet pas de yang. Tout ce qui était solaire, on appelle ça yang. C'est une nuance. La Terre n'émet pas du yin, elle émet aussi une forme d'énergie qui est beaucoup plus densifiée. Hein? C'est pas aussi chaud, ça éclaire pas autant, etc. Et ce que la Terre émet, on appelle ça yin. Parce que l'être humain, comme les végétaux et les animaux, donc le règne animal aussi, parce que nous sommes constitués de terre, c'est-à-dire de matières qui proviennent du sol, parce que nous mangeons des végétaux, parce que nous avons besoin de soleil pour engendrer de la vitamine D, etc., Nous avons besoin d'énergie yang, donc d'un facteur qui provient du soleil, d'une étoile, et en même temps, nous sommes constitués de phénomènes totalement telluriques qui proviennent du sol. Dans ce qui est animé, donc dans les plantes, dans ce qui peut croître, dans les plantes, dans les animaux, dans le minéral, dans l'homme, il y a de l'énergie yin et yang. Dans le sol, il n'y a que du yin, et dans l'air, il n'y a que du yin ou que du yang, le sol aurait irradié. Lorsqu'on est en plein jour, la puissance ionique du soleil est trop puissante, le yin est à la surface du sol. La nuit, le yin monte, le yang s'en va. Vous vous promenez dans la forêt. La forêt, ce sont des arbres. Lorsqu'ils ne sont pas capteurs de yang, ils sont radiateurs de yin à cause de leurs racines. On est dans la forêt, c'est le jour, ça va bien. Puis lentement, quand le soleil commence à se retirer, parce que la terre tourne, hein, le soleil il va quand même pas se coucher, parce que la terre tourne progressivement et qu'on quitte l'éclairage du soleil, on sent une atmosphère monter dans le bois. Le yin commence simplement à monter jusqu'à la surface des arbres. Et là, automatiquement, parce que le yin est plus dense et plus froid, l'humain perd en énergie, et c'est là que l'humain va peu facilement être superstitieux, avoir peur, et là, il gaspille son énergie vitale. Pourquoi? Si dans la forêt, j'ai peur, ça revient un peu au début de la conférence, si dans la forêt, j'ai peur, je vais essayer de t'écouter. Alors, je raffine mes sens, j'éteins mon champ d'énergie vitale. Alors, je mets tellement d'énergie vitale à l'extérieur que je permets à peu près à n'importe quel phénomène du monde de la mort de s'ectoplasmiser, donc d'apparaître devant moi, à même mon champ d'énergie vitale. Plus j'ai peur, plus je risque d'en voir. Puis moi, j'ai peur, ben, je peux pas en voir. Puis si j'en vois un, ben, c'est pas long que le mal drainé. L'enfer, ça prend de l'énergie yin? Mais l'enfer, c'est de la mémoire. C'est quoi de l'enfer? L'enfer, c'est simplement la mémoire planétaire de la densification de la planète. Il y a de cela quelques milliards d'années, la planète Terre n'était pas une planète, c'était du gaz. Extrêmement chaud. Plus le gaz était attiré, plus les molécules étaient attirées les unes vers les autres, plus la masse augmentait. Plus la masse augmentait, plus la gravité augmentait. Plus la gravité augmentait, plus les particules de gaz étaient attirées. Plus cela augmentait, plus la masse augmentait, plus la gravité augmentait, plus la densification se faisait. Plus la densification se faisait, plus ça devenait chaud, parce que les molécules avaient de moins en moins de place pour se promener. Et ça crée une nébuleuse. Les soleils se créent comme ça. Et ça n'est pas une nébuleuse. Ça a créé une espèce de petit soleil. Et trop petit pour être capable de soutenir une combustion. Et progressivement, c'est devenu de plus en plus froid. Cette mémoire-là dans la matière, c'est la mémoire qui est restée longtemps dans la conscience de l'homme, parce que là, l'être humain respirant de la matière, mangeant de la matière, il a aussi, il prend cette mémoire. La mémoire est extrêmement matérielle et chimique. Et nécessairement, dans la conscience de l'homme, on est resté avec l'idée d'un monde où il y avait des feux éternels. Mais ça a pris des milliards d'années à se densifier. Alors, pour l'être humain qui vivait à l'époque 30-35 ans, là, c'était éternel. Et c'est la mémoire qu'on en avait. Toutes les premières expériences de l'humain dans la densification, donc dans l'involution, sont de cette époque. Et nécessairement, théologiquement par la suite, quand tu vas en enfer, c'est parce que tu es involué. Et tout ce qui provient de ce qui reste chaud, quand on parle d'intraterrestres, ce sont des mécaniques qui, à un moment donné, n'ont pas pu supporter la densification planétaire et qui se sont structurés sous la Terre, donc disons au centre de la Terre, même si le centre est un peu décentré. Et étant donné que le centre de la Terre reste extrêmement chaud comparativement à sa surface, ils ont été capables d'éviter la phase d'évolution que l'animal humain a connue. Et maintenant que nous sommes en évolution et que la Terre continue à se refroidir en son centre, ben nécessairement, les êtres qui sont sous la Terre, qui n'ont pas un corps physique capable de supporter l'extérieur, vont tenter des communications pour piquer la génétique de l'humain, comme le feront certaines interventions extraterrestres, de façon à être capable de se mélanger comme l'humain était mélangé à l'époque d'Adam et Ève ou de Lémurie. Mais il y a autre chose aussi, c'est que l'être humain, présentement, a accès à l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est ce qui peut balayer le plus facilement un corps vital. On a déjà parlé, ça crée même des mutations génétiques, c'est pas pour rien. La mémoire ADNique de l'ADN se perd, alors nécessairement, le corps ne sait plus comment s'organiser. Les extraterrestres ont une peur folle de l'énergie nucléaire. Pourquoi? Parce que leur corps vital, ils n'ont pas assez de matière chez eux, ils sont plus subtils. Alors, ils auront une science qui semble mieux. Et foutez-leur pas une bombe nucléaire au visage, il ne reste plus rien. Les intraterrestres, c'est la même chose. Ils sont trop subtilisés encore, pas assez densifiés. Ils en ont peur. Si l'extraterrestre et l'intraterrestre, à un moment donné, voudraient prendre possession du contexte planétaire, il faudrait que l'être humain n'ait plus d'armes nucléaires. Et c'est pourquoi, de plus en plus, on assiste dans l'incognito gouvernemental à des communications, il y a des manipulations du phénomène intraterrestre comme du phénomène extraterrestre, pour que l'être humain se désarme nucléairement et abandonne le travail nucléaire. On sait qu'il y a un danger dans le phénomène nucléaire, mais il y a encore un plus grand danger pour d'autres que nous. Parce que c'est une force de frappe absolument indéniable. Et si un jour l'humanité entre en Troisième Guerre mondiale, la race humaine, ça va survivre. Mais toutes les autres races ne pourront pas survivre. Et par la suite, la Terre restant relativement énergisée un grand bout de temps, les interventions extraterrestres seront à peu près nulles. En plus de cela, l'énergie de la radiation d'une guerre nucléaire globale va permettre l'accélération mutatoire de certains humains, disons de plusieurs milliers, de plusieurs centaines de milliers d'humains, qui vont achever leur mutation vers l'homme nouveau. Et c'est pas tellement... Mais les extraterrestres ou les intraterrestres n'ont pas de pouvoir concret, direct. Il faut qu'ils manipulent l'homme au travers de la politique. Un intraterrestre n'a pas de casse à la gueule. Donc, ils ne peuvent pas venir... parce qu'il y en a qui disent qu'il y a des bases qui surveillent, des bases extraterrestres qui surveillent pour voir si l'homme va peser sur le bouton. Ben, c'est évident. Mais si ils ne peuvent pas intervenir directement... Ben, sur le bouton, on sait qu'il y a une maudite paquet de séries de bouton pesé. En tout cas, on pèse sur le bouton, et puis là, les extraterrestres viennent de perdre leur génétique. Mais ils peuvent pas... C'est sûr que spirituellement, tu dis qu'ils nous protègent. C'est vrai qu'ils nous protègent. Ah, comme oui. Tu protèges les poulets dans le poulailler. Je sais pas qu'ils se cassent une patte quand ils poussent. Merde, tu te manges quand ils vont être prêts. C'est ça. Alors, ils nous protègent. Politiquement, présentement, il se passe un paquet de mouvements tout à fait inattendus, en tout cas pour la majorité de la conscience. Très attendu. Très attendu. Oui, il faut ajuster la parole. Très attendu, mais... Alors, le manque de l'air, dites-le pas que c'était pas attendu. Ouais. Ça fait 40 ans qu'ils l'attendent. Mais je pensais qu'ils l'attendent plus longtemps. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a des choses que tu sais pas. Mais il y a des plans dans les plans, surtout dans la politique. Ah, oui, c'est qui dirige les dirigeants? Est-ce qu'il y a des contacts avec les extraterrestres ou d'autres forces? Bon, il y a des contrats, des manipulations, des choses que je ne vais pas trop parler présentement. Pourquoi? Parce que ça nuirait à certaines choses qui sont en cours, qui sont bénéfiques, pas d'eux autres, pas de leur part, là, mais on les laisse continuer à penser que personne ne le sait. C'est pas mauvais. Il y a présentement... Bon, il y a quelque chose qui est intéressant, qui est fortement intéressant. Penses-tu que je peux en parler? Oui, ça ne sortira pas ici. La stalle est bloquée. La liste peut tomber. Ah, c'est correct, il faut que ça tombe. Il y a... Bon, dans le séminaire, j'explique de temps en temps que, même des fois en conférence, je glisse rapidement là-dessus, il y a, chez l'être humain, des mécaniques de réincarnation. L'être humain réincarne les mémoires 24 heures sur 24 tout au long de sa vie. Et, à un moment donné, de sa vie, il réincarne aussi les mémoires de l'avenir. C'est pourquoi l'humain, parce que tu sais que le temps, là, c'est pas tout à fait un truc qui marche avec une montre. La montre, elle a fait qu'avancer, elle chronomètre pas le temps, elle chronomètre l'illusion. Maintenant, on réincarne les mémoires de l'avenir, ce qui va faire qu'à un moment donné, quand l'humain réincarne trop, il a l'impression de ne pas être sa bonne planète. Il est toujours frustré de tout ce qui se passe autour de lui, etc. Ce qui se passe, c'est qu'il y a dans la structure des mécaniques qui existent dans l'avenir. Et j'ai déjà parlé à un moment donné que l'être humain devrait faire le choix de l'homme nouveau. C'est-à-dire que l'humanité s'en va vers une catastrophe, hein, vers une guerre nucléaire, etc. Et qu'à un moment donné, si l'humanité faisait un choix bifurquant qui devrait se faire dans les décennies à venir, s'il bifurque, il va s'en aller vers un monde intelligent. L'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau. Pas parce que j'amène les termes, là, mais quelque chose qui n'est pas bâti à même la tradition. On continue à saillir, l'humain s'est toujours haï. On continue à avoir peur, l'humain a toujours eu peur. C'est humain d'être cave. Bon. Sauf que pour que cela se fasse, eh bien, il faut des interventions. Une grande partie de ce qui, si il y a intervention extraterrestre un jour, arrive sur le plan planétaire, ça va provenir de notre avenir et non pas d'un phénomène extraterrestre dans le sens non créé sur la Terre. Si un jour il y a une intervention extraterrestre convenable, celle qui va réellement aider l'humain, c'est l'homme qui va se sauver lui-même, ça va provenir de notre avenir. Mais il reste des problématiques, c'est que cet avenir-là n'est pas rattaché à une humanité actuelle s'il y a bifurcation. Bon, je ne vais pas trop compliquer les choses, mais... Donc, il va y avoir catastrophe. Il va y avoir catastrophe, sauf s'il n'y en a pas. Alors, de temps en temps, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des personnages de l'avenir qui vont revenir ici et qui vont revenir dans le passé pour aller pilonner un petit peu le passé de façon à ce que toute la courbe qui va par là progressivement commence à changer. Et ce qui va arriver là-dedans, c'est que tu vas dire, bon, bien, on sait comment ça se passe. Et puis, deux semaines après, ceux qui gardaient le mur de Berlin le défoncent à coups de bulldozer. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que... Dans l'histoire, on a changé la conception psychologique de certains personnages et maintenant, subitement, ils ne comprennent pas la présence du mur, eux autres non plus. Ils le balayent. Alors, on aura la Pologne qui va se démocratiser. Subitement, la Tchécoslovaquie, ce qu'on ne croyait pas il y a deux semaines, est possible maintenant. Oui, c'est très on est allé bouger dans le passé, il y a 3-4 000 ans, il y a 2-3 cents ans des choses, qui fait que aujourd'hui, au 20e siècle, tu ne peux pas comprendre historiquement ce qui se passe. Pourquoi? Parce que tu devras, pour le comprendre, changer l'histoire dans nos livres. Alors qu'elle est changée maintenant dans la trame psychologique de certains humains. Et c'est pourquoi, subitement, à coup de claque, là, les choses semblent changer. Mais les extraterrestres sont là, les extraterrestres aussi, et c'est une pause. Donc, faites-vous des questions sur les sujets ou sur n'importe quel autre sujet, puis on va y venir.